Moi, je m'appelle Élise Massé, je suis enseignante en sociologie. Je voulais rebondir sur la divine. Je vois bien qu'on ne s'apprend pas trop, mais de notre point de vue, c'est quand même un peu compliqué de savoir comment se positionner sur les semaines, enfin la semaine prochaine déjà, hein, parce que j'ai bien entendu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas prévenir les étudiants. Nous, en sociologie, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est mobilisés par un grand nombre. Et nos étudiants, ils en ont ras-le-bol, en fait, qu'on leur dise ça et qu'on leur dise, bon, bah voilà, on va organiser ceci, on va organiser cela. On fait des discussions, parfois de fond, des discussions, on va essayer des projections de films, on essaye pas mal de choses, mais là, on est un petit peu au bout du bout, et, on sent bien qu'on les lasse. Donc, il faut qu'on réfléchisse aussi à comment est-ce qu'on peut structurer quelque chose. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose qui structure, tu as dit, de la maternelle à l'université. Moi, j'ai même l'impression que c'est même les crèches, parce que les crèches municipales de Rouen, elles sont mobilisées sur une réforme qui les touche. Donc, on peut même faire de la crèche à l'université. Et peut-être que notre rôle, ça pourrait être, pour rebondir sur ce que disait Eric, c'est de proposer des espaces de discussion de fond sur les réformes. Avec quelques collègues, on se demandait si on ne pourrait pas faire quelque chose sur le Conseil d'État, comment on fabrique les lois, c'est pas le Conseil d'État, parce que là, il y a quelque chose aussi... qui est intéressant à comprendre dans le fonctionnement et qui pourrait aussi faire venir des gens au-delà de nos étudiants. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on ferait mieux de créer des espaces qui peuvent être accrochés à des cours, mais pas uniquement, et des choses qui soient ouvertes et ouvertes à la ville, peut-être dans d'autres endroits que simplement nos salles de cours, pour redynamiser un petit peu tout ça. Et, mais bon, voilà, je pense que ça ne peut pas se faire que... Enfin, on peut le faire entre enseignants, mais là, on va être un peu de notre côté. Au bout d'un moment, on va s'essouffler un petit peu. Si on pouvait reconstruire des choses avec les étudiants mobilisés, ce serait vraiment bien. Je sais qu'il y a des étudiants de M1 qui sont OK pour venir avec nous mardi. Déjà, c'est bien. Et la deuxième chose, c'est... j'en ai trois, mais je vais faire vite. C'est que malheureusement, il y a les JPO samedi et qu'on a un certain nombre d'enseignants à devoir aller aux journées portes ouvertes samedi et que ça nous... comment dire, c'est quand même très compliqué pour nous d'aller assumer un point de vue institutionnel de si venez à la fac, c'est super chouette, vous allez voir, vous allez être super bien accueillis, nos cours sont top, etc. Alors même que vous, voilà, donc on aurait aimé partager ça avec vous, alors qu'est-ce qu'on fait, parce qu'en même temps c'est compliqué institutionnellement de dire on refuse de faire les JPO, on n'est clairement pas assez nombreux, il me semble qu'on n'est pas assez nombreux en tant que... enseignant titulaire pour aller dire on refuse de faire les JPO, enfin, c'est, voilà, ça va être compliqué. Et en même temps, faire les JPO sans qu'il se passe rien, c'est juste atroce. Donc je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des dips de tract, voilà, parce que je pense que c'est compliqué de faire ça quand on fait la présentation de la maquette, etc. Mais à d'autres espaces à côté, en même temps, essayer d'organiser des choses. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est très très important qu'on envoie du monde à la coordination nationale, parce que même si localement, comme on est parti assez vite en lutte, on sent que c'est un peu compliqué et que ça ne prend pas une ampleur directement tout de suite énorme. Néanmoins, ça ne veut pas dire que pas à pas, on ne construit pas quelque chose qui devient massif. Parce que moi, je trouve que quand même, il y a des gens qui partent et qui reviennent et que quand même, il y a quelque chose qui se structure petit à petit. Et si on se coordonne au niveau national, ça va aussi nous donner des idées et nous rebooster sur quelle forme de lutte construire.